vitesse effrayante, les journées s'enchaînent. Et ça, ça me hante, au fond c'est facile de se dire carpe diem. Certains respectent ce dicton et j'aimerais en faire de même, ne pas avoir de regrets. Lorsque le soir arrive, avoir tout tenté de manière intuitive, plus facile à dire qu'à faire, c'est toujours la même affaire. En attendant, le temps passe et on ne peut rien y faire. Les semaines s'accumulent, lentement mais sûrement. Les années passent, trop vite malheureusement. Le temps emporte avec lui les personnes que l'on aime, nous ôte même les souvenirs, ne nous laisse que nos larmes. Mais certains n'ont pas trouvé mieux à faire que de le perdre dans des croyances qui ne mèneront nulle part. Je ne parle pas des religions, c'est une autre discussion. Pour certains, l'extrémisme est une obsession. Ces gens-là perdent leur temps, ne connaissent que la haine, sèment la violence et récoltent la peine. Leurs états d'âme les rongent de l'intérieur. Au fur et à mesure grandit notre terreur. Ils gaspillent leur vie et ne s'en rendent même pas compte. Pour moi, leur liberté, c'est une honte. Impuissant face à tout ça, ça me dégoûte. Ont-ils une conscience? Honnêtement, j'en doute. Une seule vie sur Terre, mais on n'y pense que rarement. Sans doute qu'à l'inverse, les choses seraient autrement. Détruire la vie des autres, c'est faire de même avec la sienne. Il serait temps que certaines personnes le comprennent. Jamais il ne s'arrête, maintenant que j'y pense, les secondes résonnent dans ma tête. L'intervalle est parfait depuis la nuit des temps, toujours le même, ni trop rapide, ni trop lent. Pourtant des fois, selon notre humeur, les secondes paraissent nous durer des heures. Des journées s'enchaînent, aussi vite qu'un claquement de doigts, on n'en distinguerait presque plus les mois. La routine fait son travail, même si trop la déteste, cette peste n'en fait vraiment qu'à sa tête. Au fond, j'ai tellement peur du temps qui passe, tellement d'objectifs, pourtant une seule existence.